C'est la pomme de Newton, le bain d'Archimède, le fameux Eureka, le cri de l'illumination, de l'apparition presque miraculeuse, de la formule, du théorème, de la pensée scientifique novatrice. Mais comment arrivent ces idées lumineuses? Nombre de scientifiques décrivent leur surgissement à des moments anodins, inopportuns, décorrélés de tout espace de travail. S'agit-il d'une légende ou notre cerveau travaille-t-il en sourdine jusqu'au moment où les idées s'alignent et la révélation surgit? Qu'est-ce que la créativité? Comment fonctionne-t-elle? Comment notre cerveau produit-il des idées nouvelles? Ce que la novlangue contemporaine nomme aujourd'hui les innovations de rupture. Naissance des idées, Eureka, j'ai trouvé, c'est le programme illuminé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de comprendre comment se forment ces idées, comment elles s'organisent et quels sont les chemins tortueux qui y mènent, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Vol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroscientifique, chercheuse INSERM à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Et Justine Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure agrégée de philosophie. Mais avant, elle fait jour après jour le recensement de ces idées brillantes et novatrices à mesure qu'elles apparaissent dans la littérature scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une première mondiale, la première naissance par fécondation in vitro d'un enfant issu d'ovules non matures. Il s'agit de l'enfant d'une jeune Française de 34 ans qui a accouché en juillet dernier. Il y a 5 ans, elle était atteinte d'un cancer du sein qui allait la rendre stérile. Le plus souvent, pour la préservation de la fertilité ou pour les fécondations in vitro, on stimule les ovaires des patientes via des injections hormonales pour récupérer des ovocytes mûrs qui peuvent ensuite être congelés et plus tard fertilisés. C'est un traitement lourd et dans de nombreux cas, il est contre-indiqué, notamment en cancérologie, et c'était le cas de cette Française. Les médecins ont donc décidé de prélever ces ovocytes à un stade très précoce. Puis après le prélèvement, ils ont fait une maturation in vitro, une MIV, qui consiste à faire mûrir ces ovules en laboratoire pour ensuite les vitrifier. Selon l'étude qui vient de paraître, le bébé est en bonne santé et deux autres patientes sont enceintes avec cette méthode. C'est un pas de plus vers des FIV plus faciles et moins invasives. Michael Greenberg est responsable de la médecine reproductive et de la préservation de la fertilité au CHU Antoine Béclair à Clamart. Il est le principal auteur de cette étude. Donc là, on prélève les ovules qui sont cette fois immatures. Donc immatures, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité à pouvoir donner un embryon si on était amené à les féconder. Donc il faut les faire passer au stade de mature pour pouvoir les congeler et ultérieurement les féconder quand on en aura besoin. Donc en fait, on a récupéré des ovocytes qui étaient donc immatures, qu'on a confiés au laboratoire et qui ont été mis dans des milieux de culture assez particuliers, spécifiques, qui permettent d'avoir cette maturation finale des ovocytes, qui permet à la fois la maturation du noyau de l'ovule, qui contient les chromosomes, et du cytoplasme de l'ovule, qui contient tout le matériel et toutes les protéines qui vont permettre le développement final de l'ovocyte, qui lui-même sera apte après à amener toutes les ressources pour le développement embryonnaire précoce. Le paradoxe de cette technique, c'est que cette maturité, elle peut être atteinte en 24-48 heures, alors que ce qui se passe physiologiquement et du reste également après stimulation ovarienne, il faut 10 à 12 jours pour atteindre la maturité. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a des étapes qui sont chantées quand même dans tout ce process. La femme a accouché il y a 6 mois et du coup, ça a réactivé quand même beaucoup l'intérêt des labos par rapport au développement de milieux spécifiques pour essayer d'améliorer, parce que j'ai dit ok, on a une technique, elle marche un peu, mais on peut faire beaucoup mieux, donc il faut qu'on travaille là-dessus, parce que c'est vrai qu'à terme, si on peut arriver à faire au moins aussi bien que la FIV conventionnelle après stimulation ovarienne, bien sûr que ça conviendra à tout le monde de ne pas administrer d'hormones. C'est sûr que c'est, en termes de degré invasif, bien moindre que ce qu'on peut avoir actuellement. Voilà, vous pouvez retrouver bien sûr l'étude publiée dans Annals of Oncology, le lien vers cette étude sur notre fil Twitter @laméthodefc, ainsi que sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Dans le journal Le Monde, une tribune signée par 1000 scientifiques appelle à la désobéissance civile pour lutter contre le dérèglement climatique. Et dans ce texte, les signataires dénoncent des décennies d'inaction gouvernementale et une hypocrisie politique. L'idée d'une croissance infinie sur une planète aux ressources finies est tout simplement une impasse, je cite. Ils rappellent que la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plusieurs millions d'années. Ils interpellent donc les dirigeants politiques, les citoyens, les comités de quartier, les associations à faire sauter les verrous pour prendre toutes les mesures possibles afin de réduire l'empreinte carbone de la France en des actions fortes, radicales et rapides. Selon une étude du Center for Research on Energy and Clean Air, le coronavirus Covid-19 a aussi des effets sur l'environnement. Et les quarantaines et le ralentissement des activités économiques ont réduit d'un quart les émissions de CO2 de la Chine. On observe une réduction de 15 à 40% de la production dans les principaux secteurs industriels. La demande de charbon et de pétrole ont baissé et la production d'électricité quotidienne dans les centrales à charbon est à son plus bas. Mais selon ce rapport, ce n'est que temporaire. Il faut même s'attendre à une augmentation encore plus forte de ces émissions. Pour compenser leurs pertes, les usines vont maximiser leur production, ce qui devrait entraîner une augmentation globale des émissions de CO2. Et selon une étude parue cette fois dans Royal Society Open Science, la malbouffe joue sur le contrôle de l'appétit de notre cerveau. Et pendant une semaine, des chercheurs australiens ont fait suivre à de jeunes personnes en bonne santé un régime alimentaire particulièrement riche en graisse et en sucre. L'équipe a découvert que non seulement ces régimes alimentaires altèrent la mémoire, mais qu'ils affectent aussi notre capacité à contrôler notre appétit. On le savait, chez les souris, l'hippocampe du cerveau est très sensible à la malbouffe, et c'est ce qu'on observe ici aussi chez l'humain. Manger gras et sucré perturbe le fonctionnement de cette région cérébrale. Selon ce papier, même sur de courtes durées, ces régimes alimentaires provoquent des troubles neurocognitifs. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Ce n'est pas tout à fait par hasard que la bande dessinée va choisir pour symbole de l'idée géniale qui surgit, une ampoule qui s'éclaire. C'est l'illumination, l'insight en anglais, le fameux Eureka d'Archimède, indissociable de son aspect de surgissement impromptu, imprévisible, le plus souvent décorrélé de tout espace de travail. Comment naissent donc ces illuminations, ces idées en rupture? Comment notre cerveau les produit-elle? Quel est le contexte de leur surgissement? Il y a presque une part d'immanence de ces idées tombées du ciel comme par miracle. On n'est jamais très loin du transcendant ou du fantastique. Gaston Bachelard, lui, parle de merveilleux scientifiques. C'est notre archive du jour. Pour bien connaître la nature, il faut l'avoir admirée. C'est alors seulement qu'on a le goût et la patience d'en chercher les merveilleux secrets. Un coup d'œil sur l'histoire des sciences peut nous convaincre qu'elle est une histoire des merveilles. Quand vient l'époque des grandes découvertes, quand le merveilleux scientifique apporte des preuves positives et précises, l'admiration ne cesse de réclamer plus de merveilleux encore. Le télégraphe, le téléphone, la photographie, la radio, les vaccins, on n'en finirait pas si l'on voulait énumérer les découvertes étonnantes que la science accumule chaque jour. On peut dire en effet qu'un ordre nouveau de merveilleux vient d'apparaître depuis 2 siècles et que ce nouveau merveilleux scientifique anime aussi bien la recherche expérimentale que la recherche théorique. Il semble que nous entrions dans l'ère des génies. La relativité d'Einstein, la physique quantique de Heisenberg et, d'un autre côté, les travaux expérimentaux sur la molécule, l'atome, le noyau sont autant de pensées merveilleuses. Depuis le début de la recherche du merveilleux, la science n'a rien perdu de son patrimoine d'admiration. Voilà Gaston Bachelard en 1947 dans l'heure de la culture française. Une réaction à cette notion de merveilleux scientifique, Justine Barbier? Oui, alors c'est vrai que c'est un point commun qu'on va retrouver dans beaucoup de découvertes, cette idée d'exaltation intense, cette joie créatrice qui apparaît à ce moment de surgissement de l'idée dont vous parliez. Et évidemment, ce surgissement, ce qu'on peut peut-être aussi préciser, c'est qu'il ne vient jamais ex nihilo, il vient chez des gens qui étaient d'une extrême curiosité, qui avaient peut-être grandement, enfin cette capacité d'émerveillement très très très fortement ancrée en eux. Donc c'est un point commun qu'on va retrouver. Mmh. Emmanuel Vol, votre réaction à cette archive de Gaston Bachelard ? Peut-être une réaction sur un autre point que j'ai cru entendre dans son propos, c'est qu'il a parlé « on entre dans l'ère des génies », comme si beaucoup de gens pouvaient devenir des génies ou étaient des génies qui s'ignorent. Et la façon dont on aborde la créativité, en tout cas dans mon domaine des neurosciences, c'est de penser que la créativité n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, à des génies justement, mais que on a tous en nous des capacités qui nous permettent d'être créatifs. Mmh. C'est les recherches justement dans ce domaine, notamment en neurosciences, sont assez récentes. Hein. Les chiffres dont je dispose, c'est que les publications scientifiques sur ce sujet, sur la créativité, donc sur les mécaniques de la créativité, ces 20 dernières années sont deux fois plus nombreuses que celles des 100 précédentes. À partir de quel moment et comment justement les neurosciences commencent à s'emparer de cette question dont on va voir qu'effectivement c'est une question ténue qui est à cheval entre les neurosciences et la philosophie de la créativité. Emmanuel Vol. C'est vrai que on a des premières études qu'on pourrait qualifier de neuroscientifiques à la fin du siècle dernier qui s'occupaient plus d'analyser les activations cérébrales en termes d'électroencéphalogrammes et qui décrivaient des changements d'état cérébraux en fonction de différentes tâches de créativité. Mais le véritable essor des recherches en neurosciences, je dirais qu'il a démarré avec l'IRM fonctionnel et plus spécialement dans les années 2000 et même 2010, je dirais. Donc c'est vraiment très très récent. Et ça, c'est exponentiel comme progrès. Comme domaine de recherche. Ouais. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'hubris finalement à vouloir percer les secrets de cette notion de créativité, d'idées nouvelles, de production de pensées nouvelles, Justine Barbier? Oui, alors c'est vrai que récemment, donc on a eu des travaux, par exemple Gordon, qui s'intéresse à la synecdoque et qui voulait en effet voir ce qui permettait de mesurer cette créativité, de l'augmenter un petit peu comme le brainstorming avec Osborne. Et je pense qu'il est important de garder à l'esprit que ce sont des processus qui doivent certainement rester mystérieux et qui restent d'ailleurs mystérieux pour les découvreurs eux-mêmes. Par exemple, Henri Poincaré, lorsqu'il met le pied sur le marchepied de cet omnibus qui le mène à Coutances et lorsqu'il résout les équations, donc des équations de géométrie non euclidienne, ça reste tout à fait mystérieux. Il y a eu en effet cette phase de préparation, ce qu'on appelle les pensées divergentes qui partent un petit peu dans tous les sens. Bon, effectivement, il cherchait la résolution d'un problème. Mais ce moment de l'Eureka reste en effet, je pense qu'il est voué à rester mystérieux. Vous pensez, Emmanuel Vol, qu'on peut réussir à percer la mécanique cérébrale, neuronale à l'œuvre derrière ces processus créatifs qui semblent aussi complexes, aussi distribués, aussi presque aléatoires en quelque sorte? Je pense que comme beaucoup de domaines en sciences cognitives ou en neurosciences cognitives, prétendre expliquer l'ensemble d'un phénomène dans sa globalité est difficile. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'identifier des processus plus élémentaires, des mécanismes, et de décortiquer ces mécanismes pour les étudier plus en détail. Et donc, à chaque fois, on arrive à expliquer une petite partie ou à observer les corrélats cérébraux d'une petite partie, et ensuite c'est mettre toutes ces parties ensemble qui est difficile. Ce qui est intéressant par rapport justement à la modernité ou à la contemporanéité de ce type d'études, c'est que le mot même de créativité est très très récent. Oui. En fait, Justine Marie. Bien sûr, c'est un mot qu'on voit apparaître en fait aux États-Unis dans les années 40, donc c'est un néologisme, et en France il est apparu 30 ans plus tard, en 1970, donc il y a une création du concept de créativité en fait. À l'origine, on parle de... d'imagination. À l'origine, voilà, c'est ça, c'est l'imagination. Mais finalement, parler de créativité et constater qu'en fait les études sont bien plus présentes, bien plus nombreuses ici, ça nous montre que finalement il y a peut-être une réhabilitation de l'imaginaire en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'imaginaire, bon, comme le disait Pascal, c'est la folle du logis et c'est pas vraiment l'ennemi de la science, mais c'est en tout cas ce contre quoi la science se constitue. Et en fait, finalement, on se rend compte, j'ai l'impression que là les chercheurs sont en train de s'ouvrir d'une façon globale à l'idée que l'imaginaire mère peut féconder en fait la recherche scientifique. Donc d'un côté, il y aurait ce cerveau gauche logique, en effet capable d'élaborer des concepts et responsable de l'idéation. Et puis de l'autre côté, un cerveau analogique, un cerveau qui va réhabiliter la métaphore, qui va rêver, qui va donner du sens à la poésie et les rêves. D'ailleurs, c'est du point de vue des scientifiques eux-mêmes, hein, les rêves sont d'une extrême importance. On peut, alors les exemples sont nombreux, on peut les détailler peut-être un petit peu. On a l'exemple en fait d'un chimiste qui s'appelle Kekulé et qui en fait a rêvé. Il se met devant son feu, voilà, et puis il décide de rêvasser un petit peu. Il décrit en fait un état de demi-sommeil et il va voir un serpent qui se mord la queue en fait. Et donc un serpent qui se moque de lui, il donne d'ailleurs des anecdotes, enfin des détails là-dessus. Et en sortant de ce demi-sommeil, il va avoir donc l'intuition qu'il vaudra le prix Nobel. En fait, c'est donc il est à l'origine de la chimie organique. Le prix Nobel, c'est la structure du benzène cyclique, en fait, par rapport à voilà. Donc il y a un exemple en physiologie cette fois-ci, Otto Loewi, qui lui va faire un rêve en fait un petit peu. Alors il y a plus de détour dans le sens où il rêve mais il oublie son rêve. Il sait qu'il a rêvé, il sait qu'il a eu la solution. En fait, il voulait comprendre pourquoi la stimulation du nerf vague ralentissait le rythme cardiaque. Et donc, il sait qu'il a rêvé et qu'il a eu cette solution, sauf qu'il a complètement oublié son rêve. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va, en fait, dormir. Il va vouloir rêver à nouveau, il va vouloir orienter son rêve, donc c'est un petit peu l'idée aussi de rêve lucide. Et le matin, il a fait le rêve en question, il prend deux grenouilles, il va en fait simuler le nerf vague de l'une des grenouilles, il va constater à nouveau le ralentissement cardiaque, récolter une partie du sang de cette grenouille, l'injecter dans le cœur de l'autre grenouille, et c'est la découverte de l'acétylcholine, c'est-à-dire ce neuromédiateur qui va avoir un impact sur par exemple les sucs digestifs, la sécrétion de salive et puis effectivement le ralentissement du rythme cardiaque, et à nouveau on a un prix Nobel. Donc vous voyez, l'idée de l'imaginaire est vraiment importante. Emmanuel Wolf, cette conception du cerveau dual avec un cerveau gauche, un cerveau droit, un cerveau prompt à la rêverie, à l'imaginaire, et un cerveau au contraire rationnel, et aujourd'hui ça n'a plus, ça fait encore sens en neurosciences contemporaine. On n'a pas vraiment démontré qu'il y avait cette dissociation entre cerveau gauche et cerveau droit, mais par contre, je suis d'accord sur le point que vous faisiez sur la réhabilitation de peut-être des intuitions, une certaine forme de pensée dans la créativité, dans la pensée scientifique, mais sous une autre forme par rapport aux découvertes récentes qui ont été faites en neurosciences sur la découverte des réseaux cérébraux qui sont impliqués lorsqu'on est engagé dans une tâche de créativité ou lorsque on compare des gens plus créatifs et des gens moins créatifs. Et donc les découvertes récentes, elles ont montré trois principaux réseaux. Le premier réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau de contrôle exécutif, qui est un réseau bien identifié, qui était connu, qui n'est pas spécifique à la créativité, et qui supporte des fonctions qui nous permettent de contrôler nos pensées et notre comportement. Par exemple, inhiber une action lorsqu'elle n'est pas appropriée. Ou par exemple, manipuler mentalement des informations. C'est un ensemble de fonctions assez hétérogènes finalement, mais qui sont supportées par ce réseau de contrôle. Et le deuxième... Ce réseau de contrôle exécutif, il est distribué dans le cerveau, il est localisé? Il est distribué dans le cerveau, plus spécialement dans la partie latérale du cerveau, c'est-à-dire sur la convexité, dans des régions antérieures qu'on appelle frontales et des régions postérieures qu'on appelle pariétales. D'accord. Et il y a d'autres régions dans la profondeur du cerveau. Et le deuxième réseau très important pour la créativité qui a été identifié récemment, c'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Alors l'histoire de ce réseau, elle est un peu spéciale parce qu'au départ, ce réseau était décrit comme un réseau qui semblait désactivé lorsque l'on s'engage dans une tâche, quelle qu'elle soit. Et donc c'est pour ça qu'il a été appelé réseau par défaut. Et relativement récemment, on s'est aperçu qu'en fait, ce réseau, il supportait des fonctions particulières. Et en particulier, on a observé qu'il était impliqué dans la mémoire, c'est-à-dire la mémoire sémantique qui correspond à l'ensemble des connaissances qu'on a sur le monde. Mmh. qui est décontextualisé. C'est un réseau qui sera impliqué dans tout ce qui est cognition spontanée. Ça veut dire lorsqu'on laisse aller, qu'on répond spontanément à des questions, et en particulier lorsque l'on fait des associations d'idées spontanées. Et plus particulièrement, il y a des études qui montrent l'implication ou le recrutement de ce réseau lorsque l'on est en vagabondage mental. C'est-à-dire qu'on laisse dériver ses idées. Qu'on laisse aller ses idées, plus ou moins sans contrainte, puisque le vagabondage mental implique beaucoup le réseau par défaut, mais pas seulement. Donc ça, ce sont les deux réseaux principaux. Et il y a un troisième qui s'appelle le réseau de Science, qui est un réseau dont on savait qu'il sert à signaler les éléments importants, les éléments pertinents. De Science, S-A-I-2-L-E, voilà. qui saillit. Voilà. Pas de science en anglais, de science, d'accord. C'est qu'est-ce qu'est science, soit dans l'environnement, soit dans son monde mental. Et donc, on pense que ce troisième réseau, il fait le lien entre les deux autres réseaux. Le réseau qui, spontanément, va faire des associations d'idées, et le réseau qui peut exercer un contrôle de ces idées. Et donc, le troisième réseau de Science servira en quelque sorte d'interrupteur entre les deux, peut-être pour signaler, voilà une option intéressante, réseau de contrôle, est-ce que tu peux vérifier si cette idée est une bonne piste ou pas. Et on verra tout à l'heure avec vous, Emmanuel Vollin, quels sont les protocoles expérimentaux, parce qu'on imagine que identifier ça, même à l'aide d'IRM fonctionnelle, ça demande quand même des protocoles, des expériences particulières. Comment est-ce qu'on suscite la créativité? Comment est-ce qu'on peut l'identifier? On en parle dans un instant. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc tout au long de cette heure de la naissance des idées neuves. Comment est-ce que ça se formule dans le cerveau? Comment est-ce qu'on arrive à penser? Moi, j'ai toujours été effectivement très fasciné quand on parle d'histoire des sciences autour de cette table, à ce micro le jeudi, de voir certains penseurs, certains scientifiques, certaines penseuses ou certaines chercheuses qui arrivent à penser à tel point contre la doxa, contre la norme de l'époque, et qui arrive à formuler et à formaliser des idées. On pense évidemment à Copernic, mais on y reviendra. Comment est-ce qu'on peut à ce point-là réussir à s'extraire d'un milieu et à formaliser des choses sans preuve particulièrement d'observationnelle directe? On en parle en tout cas avec Emmanuel Vol et Justine Barbier. Peut-être j'aimerais vous poser cette question avant d'aller plus loin, parce qu'on parle d'idées, mais qu'est-ce que c'est pour vous, avec vos points de vue respectifs de neurosciences et de philosophes, qu'est-ce que c'est qu'une idée? À quoi ça ressemble? Qui veut répondre à ça? Justine Barbier, je vous laisse commencer. Les questions les plus simples sont les plus difficiles. Une idée, c'est effectivement, on en parlait au tout début, l'idée de l'exaltation. Et je pense qu'il est aussi intéressant de regarder du côté des conséquences. Donc une idée, c'est quelque chose qui exalte le créateur, c'est quelque chose dont il a besoin. Ce sur quoi va beaucoup insister la littérature, la poésie et la philosophie, c'est la nécessité pour le créateur de créer. C'est-à-dire, il y a un moment où ça lui brûle la main, il ne peut pas ne pas écrire. Et par exemple, si vous lisez les lettres à un jeune poète de Rilke, ce jeune poète donc lui soumet en fait son œuvre et lui demande si ce sont de bonnes œuvres, parce qu'on se demande en effet qu'est-ce qu'une bonne idée, et on sous-entend que c'est une idée nouvelle qu'on n'a jamais vue, qui est donc inouïe. Et finalement, Rilke lui donne une réponse tout à fait paradoxale. Il y a une très bonne idée dans la réponse, qui consiste à dire c'est la nature de leur origine. C'est la nature, c'est l'origine de cette idée qui vous permettra de dire si c'est une bonne œuvre ou pas. C'est-à-dire que si vous posez-vous la question, mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? Et si vous constatez qu'en fait vous ne mourriez pas, alors il doit vous être interdit d'écrire. Voilà ce que Rilke répondra. Donc c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, et je pense qu'il faut accepter que une idée c'est quelque chose. Je lisais les articles du Monde des scientifiques qui étaient interrogés. Ce qu'on peut retrouver, c'est l'idée de rareté. Finalement, il faut accepter que c'est quelque chose qui vous traverse, dont vous n'êtes pas vraiment l'auteur, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ça reste assez mystérieux. Et donc, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ego, en fait, aussi. Il faut préciser, effectivement, qu'il y a un papier dans Le Monde qui a été publié il y a peu de temps, qui a le journal a recueilli les témoignages de 12 scientifiques, justement, sur la naissance de leurs propres idées scientifiques, la définition de la créativité en science, et comment stimuler cette créativité. Pour vous, Emmanuel Vol, qu'est-ce que c'est, en neurosciences, qu'une idée? Parce que les idées, on en a tout le temps. L'idée, c'est pas forcément quelque chose de créateur. L'idée peut être une idée conforme. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Alors, en fait, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une idée créative? En tout cas, d'un point de vue des neurosciences, on admet, ou de façon assez consensuelle, que la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle, Et en même temps adaptée au contexte dans lequel elle s'exprime. Donc nouvelle, ça veut dire originale, qu'on n'avait pas rencontré avant, soit que l'individu n'avait pas eu, soit que personne dans la société n'avait eu. Et il y a différents degrés à cette originalité. Et adaptée, ça veut dire qu'elle est pertinente par rapport soit au problème qu'on a à résoudre, soit à la situation dans laquelle on est. Et les personnes pondèrent différemment ces deux critères d'adaptation, originalité, pour attribuer de la valeur à leurs idées. Et en fonction d'ailleurs des différents domaines d'expression créative, il y a des pondérations probablement variables qui sont faites entre ces deux critères. Justine Marvier. Oui, alors vous parliez de nouveauté et de caractère adapté de l'idée. Alors récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité à ce sujet, il y a 48 heures en fait, le 18 février, une opération a eu lieu, une opération chirurgicale qui correspond exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'absolument nouveau, qu'un chirurgien, donc le chirurgien s'appelle Ashkan, monsieur Ashkan, qu'un chirurgien n'avait jamais mis en œuvre, et puis en même temps tout à fait adapté. Alors l'histoire, c'est une femme de 53 ans qui souffrait d'une tumeur cérébrale cette tumeur, en fait, était d'évolution lente, donc il n'y avait pas nécessité d'opération. Sauf qu'à l'automne 2019, elle a été détectée comme agressive et il a fallu l'opérer. Et elle était violoniste. Donc il est question effectivement d'enlever l'intégralité de la partie agressive de la tumeur sans empiéter, sans endommager la population cellulaire qui va finalement s'occuper donc de la main gauche, donc dans le cerveau droit. Et alors du coup, ils ont eu une idée absolument nouvelle et absolument adaptée à la situation, qui a consisté à l'opérer dans une position où elle va être capable de jouer du violon pendant l'opération, c'est-à-dire qu'ils vont la réveiller effectivement et ils vont lui demander en fait de jouer pour vérifier que les cellules donc qui sont extrêmement proches de la lésion de la tumeur, pour vérifier qu'en fait elles ne sont pas endommagées, et c'est merveilleux, enfin parler de merveilleux. On a vu la vidéo, on hésitait à en parler dans le journal des sciences, mais vous faites bien, on va vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission de cette opération qui était filmée, de cette femme qui se fait effectivement opérer en jouant du violon. Incroyable. Elle s'appelle Madame Turner et elle est sortie donc 3 jours après l'opération et elle expliquait qu'elle était effectivement très très reconnaissante de pouvoir à nouveau intégrer l'orchestre symphonique dans lequel elle va pouvoir jouer à nouveau. Peut-être juste pour préciser, en fait, le fait de pratiquer des chirurgies éveillées, c'est-à-dire de réveiller les patients pendant qu'on les opère, pour pouvoir délimiter les zones qu'il ne faut surtout pas retirer sous peine d'avoir des déficits critiques pour la personne. C'est une pratique qui est courante, en fait, courante dans certains hôpitaux en tout cas. Donc, et là, ce qui est assez exceptionnel, effectivement, c'est d'avoir vraiment tenu compte de ce qui était le plus important pour cette patiente et d'avoir adapté le bloc opératoire pour pouvoir lui faire faire son activité critique pour elle. Comme vous dites, non seulement il y a une idée très audacieuse d'ailleurs, c'est audacieux quand même, et puis dans le même temps, il faut aussi un dispositif technique, c'est-à-dire qu'on imagine bien que c'est pas juste l'idée de quelqu'un qui a juste de l'audace, il y a aussi un ancrage technique là-dedans. Et d'ailleurs, comme vous le soulignez, donc le King's College de Londres, cet hôpital où l'opération a été réalisée, a l'habitude d'opérer deux tumeurs, apparemment c'est environ 400 par an, et en effet ce qui était habituel jusqu'à présent, c'était de réveiller les patients pour leur faire pratiquer des tests de langage, c'est-à-dire vérifier en effet que les aires impliquées dans ces régions, donc l'air Broca et Wernicke, il me semble, c'est... vérifier que ces aires-là n'étaient pas endommagées. Oui. Il y a deux concepts que je trouve intéressants, qui ont été identifiés par Joy-Paul Guilford en 1950 autour de cette notion d'apparition de l'idée créatrice, c'est la notion de pensée divergente et de convergence créative. Est-ce que vous pouvez peut-être me parler de ces deux notions qui viendraient à l'intersection desquelles apparaîtrait finalement une idée nouvelle ? Alors, on peut peut-être repartir en fait des différentes étapes qui ont été identifiées dans les processus de création, c'est-à-dire d'abord une orientation consciente du problème, ensuite une phase qu'on va appeler phase d'incubation, où l'idée de pensée divergente émerge, c'est-à-dire vous laissez, c'est le vagabondage intellectuel dont vous parliez, vous laissez votre pensée complètement s'enfiler finalement. Après ce fameux moment de Eureka, et ensuite une phase de vérification. Ça, c'est les quatre phases de Wallace. Les quatre phases où on peut faire après des sous-catégories, classiquement... Préparation, incubation, élimination, vérification. Voilà. Et disons que moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est une très belle phrase de Paul Valéry qui explique que deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. Voilà. Et je pense que le créateur, il a compris ça. Il a compris qu'il lui fallait une pensée divergente, très désorganisée. Il faut accepter le désordre. Et c'est dangereux. L'ordre peut être dangereux. Et puis, c'est-à-dire on peut dire, l'ordre dans le sens aussi de ne faire que suivre les recherches préétablies. Il faut aussi cet esprit de désobéissance. Bon, et puis effectivement, le chaos, la recherche scientifique n'est pas un chaos total. Et pour faire un lien avec un livre qui d'ailleurs porte le nom qui se rattache à notre émission, Satori, c'est un livre de Jack Kerouac qui s'appelle Satori à Paris. Alors, on peut préciser que Satori, en fait, c'est un mot japonais qui désigne vraiment l'idée d'illumination subite. Et donc, finalement, dans ce roman autobiographique, d'ailleurs, où Kerouac ne cache pas du tout la nécessité d'alcool pour parvenir à cette illumination, donc il y a cette ambiguïté, est-ce une affaire de molécules ou a-t-il vraiment eu une illumination subite ? Et c'est donc, le lien avec ce que je disais, c'est qu'il y a un mélange d'ordre et de désordre permanent. C'est-à-dire qu'au chapitre 4, on a « Commençons par le commencement », à longueur de temps, on sent qu'il a cette volonté d'ordre et en même temps ce désordre. Et je pense que ça caractérise vraiment à la fois la création scientifique et la création littéraire, ce double aspect. Oui. Emmanuel Vol, on peut distinguer la création littéraire, artistique et l'apparition d'une pensée scientifique. Est-ce que ce sont des mécanismes ? Ça ne met pas en jeu peut-être tout à fait ni les mêmes fonctionnements, ni les mêmes liens, ni les mêmes réseaux cérébraux ? Peut-être juste avant, si je pouvais rebondir sur la pensée divergente Bien et sûr. La pensée convergente. En fait, pour moi, ces deux formes de pensée, décrites comme vous l'avez dit par Guilford, ne sont pas complètement calquées sur le modèle des quatre étapes de Wallace, parce que dans chacune de ces étapes, on peut imaginer qu'il y a une alternance de pensées divergentes et de pensées convergentes. Juste pour définir un peu mieux, la pensée divergente, c'est une forme de pensée où l'individu cherche des idées, des options dans différentes directions. Et il cherche le plus d'idées possibles, le plus original possible dans le cas de la créativité. Et au départ, Guilford a défini la pensée convergente en opposition à la pensée divergente, qui était une forme de pensée où au lieu d'aller dans toutes les directions, il fallait converger vers une seule solution, une seule idée. Et au départ, d'après lui, c'était d'ailleurs pas de la créativité, cette forme de pensée convergente. Seulement depuis, quand on parle, en tout cas dans la littérature neuroscientifique à laquelle je suis habituée, quand on parle de pensée convergente, on parle aussi de créativité, puisque par exemple dans des tâches de résolution de problèmes, trouver une solution qui est difficile à trouver, qui est éloignée et qu'il faut aller chercher, on fait aussi appel à sa créativité. Et d'ailleurs, avant de pouvoir converger sur une idée, il faut avoir généré possiblement de nombreuses options, donc être passé par une phase de pensée divergente. Et on verra que c'est intéressant, notamment pour les travaux en neuroimagerie, de jouer sur la pensée divergente, pensée convergente, et que ça permet justement d'avoir une cartographie assez précise du cerveau. Oui, un mot, Justine Marie. Oui, alors, à mon tour de rebondir, juste un tout petit exemple, en fait, toujours par rapport à cette idée de pensée divergente. Je l'ai trouvé, en fait, c'est Jacques Périssalkov qui s'intéresse beaucoup au palindrome, aux anagrammes, etc., et aux jeux de langage. Et alors, en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez d'abord un domaine qui est la musique, avec des notes de musique, voilà. La, fa, do, la, fa, mi, si, si, mi, ré, la, si, mi, la. Voilà, c'est des notes de musique. Bon. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, si on transpose ça dans un autre domaine d'application, est-ce qu'on peut pas justement avoir une espèce de réca d'illumination subite pour comprendre ça autrement ? Donc, pensée divergente, c'est-à-dire manière de vraiment tourner les choses autrement. Et en fait, l'illumination apparaît, enfin, je sais pas si... Je vous en prie, l'illumination, oui, c'est que finalement ça peut devenir du langage aussi. C'est pas seulement des notes de musique. Et donc Jacques Périssalkov avait finalement écrit la fade eau, la femme ici simire se regarde dans cette eau et la simila, c'est-à-dire la bois. Et donc vous voyez, il y a toujours cette manière de dire eureka. Je croyais que, enfin, je voyais ça uniquement à partir de notes de musique dans un esprit finalement pas du tout original. Et puis il y a la possibilité de l'éclair de génie qui peut se produire d'une façon extrêmement terre à terre. C'est pas seulement le ciel platonicien des muses qui vont posséder les poètes et qui vont d'ailleurs leur faire abandonner leur raison, hein. C'est aussi cette terre très, enfin, il y a quelque chose de très immanent, comme vous disiez, hein, tout à l'heure. When we are dancing and you're dangerously near me, I get ideas, I want to hold you so much closer than I dare to, I want to scold you cause I care more. than I can do. And when you touch me and there's fire in every finger, I get ideas. Yes, I get ideas. And after we have kissed goodnight, still you linger. I kind of think you get ideas too. Your eyes are always saying the things you never say. I only hope they say that you could love me too. For that's the whole idea. It's true. Lovely idea that I fall in love with you. I Get Ideas de Louis Armstrong à 16h35 sur France Culture. Comment, eh bien, on obtient, comment arrivent ces idées, comment se structure la pensée créatrice, comment naissent les idées scientifiques, révolutionnaires, encore plus, c'est le thème de cette émission que nous passons en compagnie d'Emmanuelle Vol, qui est neuroscientifique et chercheuse INSERM à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, et Justine Barbier, qui est professeure agrégée de philosophie. Alors, pour comprendre, eh bien, comment on étudie la structure de la pensée créatrice et la complexité, je pense qu'on l'a bien entendu, et la richesse de cet objet d'étude dans la première partie de cette émission, eh bien, nous nous sommes rendus, comme souvent, en laboratoire. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant de l'Université Paris-Descartes pour voir comment on étudie les phénomènes qui retiennent ou qui empêchent les idées de se former. Oui, dans le processus créatif, certains blocages peuvent empêcher la création d'idées originales. Mathieu Cassotti est professeur de psychologie du développement et il étudie comment ces blocages se manifestent dans le cerveau. En travaillant chez l'adulte avec son équipe, il a identifié ce qu'il appelle la fixation, qui serait une sorte d'automatisme, des solutions toutes prêtes à l'emploi, mais qui, face à un problème nouveau, nous empêcherait d'aboutir à des idées vraiment innovantes. Pour y pallier, il a conçu une méthode et surtout des exercices à problème pour stimuler l'imagination des sujets en IRMF et en électrode EEG. La question qui nous a vraiment préoccupé, nous, c'est pourquoi, lorsqu'on nous propose un problème, spontanément, on va penser à des solutions et que ces solutions vont nous enfermer dans des idées qui sont peu originales. C'est-à-dire que la difficulté pour la créativité, c'est de résister à ces blocages cognitifs. Donc, je vous donne juste un exemple de la façon dont on expérimente avec les enfants, les adolescents et les adultes. On leur propose la tâche de l'œuf, où en fait c'est très simple, on leur dit on va lâcher un œuf de poule d'une hauteur de 10 mètres et vous devez trouver le plus de solutions possibles pour faire en sorte que cet œuf de poule ne casse pas. Donc ils vont devoir trouver des solutions, il en existe, ils ont déjà une expérience, alors pas avec la tâche de l'œuf, mais ils ont déjà dans leur vie eu la nécessité de faire en sorte que quelque chose de fragile ne casse pas. Et donc automatiquement, sans même avoir besoin de réfléchir pendant très longtemps, il y a des solutions qui viennent très rapidement à l'esprit. Mettre un parachute par exemple. Alors, par exemple, vous pouvez mettre un parachute, donc ralentir la chute, vous pouvez protéger l'œuf et vous pouvez amortir la chute. C'est trois catégories de solutions. Que vous soyez un ingénieur dans une école prestigieuse parisienne ou que vous soyez un enfant de 10 ans, vous allez avoir des solutions de ce type qui vont venir très rapidement à l'esprit. Donc ça, c'est une fixation, une forme de fixation. Alors, exactement, le fait que ces solutions nous viennent rapidement à l'esprit, parce qu'on a déjà eu des expériences antérieures assez proches de ces situations-là, c'est-à-dire qu'on a déjà appliqué ce type de solution pour pouvoir résoudre des problèmes, spontanément, elles nous viennent à l'esprit et elles ont tendance à nous enfermer. On a tendance à être fixé sur un nombre limité de solutions assez facilement accessibles. On va essayer de retrouver dans nos expériences personnelles s'il y a des stratégies qu'on a déjà employées qui étaient efficaces. Le problème, c'est que la plupart des gens vont donner le même type de solution. Or, ce qu'on leur demande, c'est d'être créatif et de proposer des solutions différentes. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de voir comment on peut dépasser ces phénomènes de fixation et comment ces processus vont se développer avec l'âge. Donc là, vous parlez beaucoup sur l'heuristique. D'un point de vue vraiment neurobiologique, est-ce que vous avez pu identifier des zones qui étaient impliquées dans ces phénomènes de fixation et de résistance ? Ça, ce sont des processus cognitifs de haut niveau, qu'on appelle les fonctions exécutives, donc la capacité à résister à des automatismes. Et résister à des automatismes, ça implique un réseau cérébral qui est un préfrontal et qui est impliqué dans l'inhibition, dans la flexibilité. Et les neurosciences cognitives ont montré que quand on demandait aux participants dans une IRM de résoudre des tâches de créativité, c'était ces réseaux qui étaient principalement activés. Et en particulier chez les personnes qui étaient les plus créatives. Vous avez travaillé avec des enfants, avec des adultes sur ce genre d'expérience ? Pour le moment, on a travaillé qu'avec des adultes. On a utilisé l'électroencéphalographie. L'avantage de l'électroencéphalographie, c'est qu'on va mettre des capteurs, en fait, 256 capteurs sur la tête du sujet pour enregistrer l'activité électrique directe du cerveau. Donc c'est vraiment une mesure directe de l'activité électrique, alors qu'il se fait à la surface du cerveau, donc il y a plein de problèmes de résolution spatiale, de savoir où ça se passe précisément, mais en termes de résolution temporelle, c'est extrêmement fin, de l'ordre de la milliseconde. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on leur proposait cette tâche d'utilisation alternative d'objets, où ils doivent donner le plus d'utilisation alternative d'objets possible. Donc par exemple, on leur présentait un parapluie, et on leur disait « qu'est-ce que tu peux faire avec un parapluie ?» Dès qu'ils avaient une idée qui leur venait à l'esprit, ils appuyaient sur un bouton, et puis ils devaient énoncer cette idée à haute voix. Donc il devait dire, je sais pas, moi je peux l'utiliser pour allumer ma télé. Il rappuyait sur le bouton, et puis il continuait. Qu'est-ce que tu peux faire avec un parapluie ? Et donc c'était comme ça, des séquences qui duraient 3 minutes, et pendant 3 minutes, en fait, le sujet devait donner le plus de solutions possibles aux problèmes qu'on lui propose. L'avantage de cette méthodologie, c'est que ça nous permet juste de regarder le moment où il va générer l'idée. Le fait qu'il ait appuyé, en fait, sur le bouton, nous donne un indicateur du moment où il a eu l'idée, et on va regarder pas le moment où il appuie, mais le moment juste avant, en fait. Donc on va aller regarder, on va retirer les 150 millisecondes qui correspondent à la décision dans le cerveau d'appuyer sur le bouton, et on va aller regarder vraiment le moment où il va générer l'idée. Et c'est à ce moment-là où on va mesurer des pics d'activité, une synchronisation en particulier du rythme alpha dans des régions préfrontales. Le rythme alpha, c'est des ondes alpha émises par... Effectivement, en fait, le signal électrique, il peut être décomposé en différentes ondes. Il y a des ondes gamma, des ondes alpha, des ondes theta. Et il se trouve que les ondes alpha, dans la littérature, c'est ce qui a été le plus relié à la créativité. En tout cas, c'est ce qui a été le plus étudié sur la créativité, et on a été en mesure de montrer qu'il y avait un pic d'onde alpha dans les réseaux préfrontaux dès lors qu'on avait à générer des réponses créatives, et que c'était encore plus vrai chez les personnes qui étaient créatives. Alors, il y a eu tout un débat sur la signification de ces ondes alpha, puisque pendant très longtemps, on a cru que les ondes alpha, en fait, étaient liées à la mise au repos des régions cérébrales du cortex préfrontal. Et récemment, on s'est rendu compte que pas du tout. C'était exactement l'inverse. Et donc, pendant très longtemps, on a cru que cette mise au repos, elle correspondait justement à la mise en œuvre de processus automatiques. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. L'augmentation du rythme alpha en préfrontal est corrélée à des activations cérébrales et à la nécessité de mettre en place des processus de haut niveau. Et donc, ça nous a conduit à complètement réinterpréter les modèles de la créativité qui considéraient que les automatismes étaient la clé pour pouvoir générer des choses nouvelles. Donc, il y a une nécessité exécutive, il y a la nécessité de contrôler quelque chose, mais les processus des contrôles qu'on pensait nuisibles pour la créativité, au contraire, sont fondamentaux et vont être nécessaires pour sortir du cadre. Voilà le reportage du jour au Lapsidé, le laboratoire de psychologie et du développement. Peut-être une réaction, je voulais prendre des notes l'une et l'autre en écoutant cet entretien, Emmanuel Vol. Non, c'était plutôt pour souligner la consistance avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur les réseaux cérébraux qui agissent en interaction pendant le processus créatif. Donc les régions frontales auxquelles fait référence Mathieu font partie de ce réseau de contrôle dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant peut-être à souligner, c'est que les études neuroscientifiques qui montrent l'interaction entre ces deux réseaux, ce qui est spécial pour la créativité, c'est que ces deux réseaux sont en interaction pendant la tâche de créativité, ils coopèrent pendant la tâche de créativité, alors qu'au départ, comme on les avait, quand on les observe dans d'autres tâches, ce sont ou même au repos, ce sont deux réseaux qui ont une activité inverse, qui sont anticorrélés en quelque sorte. Et il semble que pendant qu'on s'engage dans quelque chose de créatif, la tendance s'inverse et que les deux réseaux se mettent à travailler ensemble. En tout cas, ils ont besoin d'interagir pour la créativité. Justine Barbier. Oui, alors finalement, il a été question dans ce reportage de ce qu'on appelle le biais cognitif, c'est-à-dire l'idée que finalement, plus vous savez de choses et plus vous allez avoir tendance à avoir des automatismes et précisément à moins être créateur. Donc c'est le biais d'ancrage. C'est un très grand paradoxe. Et donc ça m'a évoqué une illusion assez connue, l'illusion du masque concave. C'est-à-dire comme vous voyez finalement ce que vous vous attendez à voir et comme personne n'a jamais eu le nez rentré vers l'intérieur, ben finalement le visage, vous allez le reconstituer en fait. Donc on voit bien à quel point le créateur, c'est celui qui va aller complètement contre ces automatismes. Et ça renvoie à la très belle phrase de Charles Péguy qui avait pire, il disait qu'il y avait pire qu'une mauvaise pensée ou même pire qu'une mauvaise âme, c'était une âme habituée, en fait. Donc, penser, c'est dire non et faire de la science, c'est toujours penser malgré l'évidence, c'est avoir cette audace-là. Et c'est la raison pour laquelle Gordon, avec la cinétique, nous invite à prendre, en effet, un problème et à le transvaser dans un champ totalement différent pour voir comment des gens qui, a priori, ne connaissent rien à la physique vont résoudre ça. Et l'autre chose que ça m'a évoqué, c'est donc Mathieu Cassotti parlait de fonctions exécutives donc extrêmement exigeantes, de support finalement cognitif à la créativité. Et ça m'a évoqué en fait tous ces grands créateurs qu'ont été par exemple Marguerite Duras ou Sartre ou Freud, qui en fait ont eu besoin de drogue finalement pour soutenir en fait ces processus. Alors on le sait, enfin on le sait plus ou moins, mais Sartre par exemple a abusé, enfin il prenait une boîte par jour de Corydrane. Donc c'est en fait ce sont des amphétamines mélangées à de l'aspirine qui ont été interdites à la vente en 1971. Et il disait mais voilà, moi j'ai besoin de finir la critique de la raison dialectique. Et donc Simone de Beauvoir disait c'était une course contre la mort et une course contre la montre où il se fichait totalement de sa santé. Mais comme c'était donc très exigeant, il avait remarqué que ça multipliait par 3 son rythme de travail et en fait sa santé passait après. Et donc Duras a aussi beaucoup utilisé ces amphétamines, enfin ces comprimés de Corydrane. Les étudiants de l'époque aussi. Et puis, on n'ignore évidemment pas l'usage de la cocaïne fait par Freud, qui doutait parfois apparemment de ses capacités intellectuelles. En tout cas, il avait besoin d'être soutenu comme ça. Et donc, ça m'a évoqué ça, cette idée que pour résister à des... Enfin, que c'est très exigeant de résister à des automatismes et qu'effectivement, le créateur a cette audace-là. Et puis, vous parliez tout à l'heure aussi de de ce cerveau, finalement, qui allait être... endormi, en tout cas moins, je ne sais pas si c'est le bon terme que tu utilises, mais ça m'a évoqué un mot valise, l'infobésité en fait. L'idée que quand on est bombardé de stimuli, le cerveau ne va pas se synchroniser, alors que finalement le repos lui est extrêmement nécessaire. Et bénéfique. Et voilà, bénéfique. Un mot peut-être pour revenir sur la question que je vous posais tout à l'heure, Emmanuel Vol, sur les spécificités de l'idée de la pensée, de la création scientifique. Il y a plein de témoignages assez passionnants dans cet article du Monde qui a donné la parole à 12 chercheurs. J'en retiens un parmi tant d'autres que je trouve intéressant. C'est celui de Pierre-Marie Yédo qu'on avait ici d'ailleurs pour parler de la plasticité cérébrale il y a peu de temps et qui dit ceci d'assez passionnant. Il dit la créativité tient en 5 capacités. Tout d'abord, hybrider l'ordre au chaos. Être créatif en science, c'est organiser à la fois l'ordre et le chaos. Il faut d'abord avoir une obsession, puis la cultiver en faisant le tour des connaissances d'un domaine donné. Ce n'est qu'après ce travail de recensement, l'ordre, que l'on peut essayer d'imaginer le désordre autour pour sortir de ce cadre. Alors moi, ce que ça m'évoque, cette description, c'est encore le modèle des 4 étapes dont on a parlé tout à l'heure, puisque la première phase, ça consiste à défricher un sujet, à poser les questions, à explorer les différentes pistes pour pouvoir répondre à ces questions, à recueillir les informations. Et une fois qu'on a fait ce travail qui demande de l'effort, qui est conscient, qui nous occupe et nous obsède, pour reprendre ces termes, on peut à ce moment-là entrer dans d'autres phases, type incubation, voire illumination, pour trouver des idées qui se démarquent. Ce qui est intéressant, c'est que Todd Lubbard, qui a beaucoup aussi écrit sur la question, dit à propos des idées scientifiques, le milieu scientifique est souvent allergique au risque, ce qui n'est pas vraiment propice à la créativité. C'est-à-dire que dans le domaine scientifique, il y aurait finalement une force, un poids de la norme plus élevé que dans le domaine artistique. Quelque chose que je vous soumets. Commentaire libre, Emmanuel Vol. C'est vrai que j'ai noté aussi dans les témoignages des scientifiques dans cet article que plusieurs avaient soulevé qu'on les autorise à prendre des risques ou qu'on leur donne un environnement qui soit favorable à la prise de risque était très important pour leur créativité. Et alors, en sciences je pense pas que ce soit un domaine où on est particulièrement frileux pour prendre des risques. Je pense que c'est plus au niveau organisationnel, puisque prendre des risques, il faut avoir les moyens de prendre des risques. Il faut avoir le droit de se tromper. Si on doit rendre des comptes et publier, eh bien, on a moins envie de prendre des risques, puisqu'il y a une rentabilité à avoir. Est-ce qu'en science, Justine Barbier, le poids de la doxa est plus lourd, il est plus compliqué de s'en défaire, nos fameux biais d'ancrage sont plus forts parce que à un moment donné, eh bien, quand on veut aller contre une réalité scientifique qui est établie, eh bien, réussir à s'en décrocher, alors peut-être aujourd'hui est-ce encore plus dur parce que les réalités scientifiques sont plus attestées qu'elles ne l'étaient naguère, mais quand on est Copernic et pour postuler l'héliocentrisme, il faut quand même faire pour le coup ce qu'on appellera aujourd'hui de façon très anachronique une révolution copernicienne, oui. C'est-à-dire réussir à briser un cadre formel pour pouvoir s'en détacher et proposer une idée je vais utiliser ce vilain mot, disruptive, en tout cas une idée novatrice. Oui, alors c'est vrai que la philosophie, c'est par définition la discipline des paradoxes. Et d'ailleurs, la révolution copernicienne, d'après Kant, elle a effectivement eu lieu en philosophie grâce à sa découverte. Je pense que par-delà cette différence peut-être de degré qu'on peut faire, il faut évidemment se souvenir, par exemple, de la découverte de la pénicilline par Fleming. C'est une erreur, en fait, qui a permis. Et donc, c'est l'acceptation de l'erreur. Je pense que le scientifique, en effet, il ne doit pas subir de pression, tout comme celui qui écrit, il doit être extrêmement libre. C'est un homme libre, ou une femme libre, évidemment. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, Fleming, on peut peut-être à nouveau rappeler l'anecdote. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est la sérendipité, voilà. Ce terme qui existe d'abord en anglais, sérendipité, et qui va devenir un terme de la langue française. Donc, classiquement, à partir des années 80, on va traduire par heureux hasard. C'est l'idée que l'erreur va devenir une victoire. Alors, l'erreur de Fleming, qui est en fait extrêmement... Enfin, qui a été la découverte de cet antibiotique, c'est d'être parti en vacances, d'avoir laissé ses boîtes de pétri. Il était connu pour être assez tête en l'air. Et puis, quand il revient, il constate des moisissures. Alors, il se trouve que son voisin... travaillait justement sur des moisissures. Fleming travaillait sur des staphylocoques et finalement, il y a eu des mélanges apparemment. Et il va d'ailleurs au début, il est un petit peu embêté, mais il va se rendre compte très rapidement qu'il y a un halo transparent autour de la moisissure qui a priori a eu un effet sur les staphylocoques, c'est-à-dire qu'il les a fait disparaître. Donc il imagine que la moisissure va pouvoir sécréter une substance finalement antibiotique. Et donc c'est la découverte de la pénicilline. Donc c'est ce qu'on a appelé la sérendipité. Donc on voit bien que, parce que qu'est-ce que ça veut dire prendre des risques en science? Ça veut dire finalement accepter d'investir beaucoup pour ne rien obtenir. Mais là on voit bien que finalement l'erreur elle-même est fructueuse. Donc non seulement il faudrait accepter cette prise de risque qui est, je pense, en effet, peut-être moins présente. Et puis ensuite, reconnaître que la pression n'a jamais été quelque chose de... Enfin, la pression liée au jugement ou la rentabilité n'a jamais été quelque chose de très propice à la création. Et Emmanuel Vol, comment est-ce qu'on peut justement, est-ce qu'il est possible de modéliser ce double mouvement que l'on décrit depuis le début, c'est-à-dire d'abord de travail réflexif, celui de la préparation, c'est-à-dire de l'immersion dans un milieu, dans une spécialité scientifique, puis cette incubation, donc ce travail diffus à bas bruit, qui se fait parfois de façon même inconsciente, et le moment de ce pic de Satori, de Reka, de d'insight, d'illumination, tout ça, on peut réussir à le formaliser dans une IRM fonctionnelle ou quelque chose comme ça. On peut, il y a des expériences qui ont tenté de le faire, en tout cas d'opérationnaliser cette phase d'incubation d'une part et cet insight d'autre part. Bon, faut savoir pour commencer qu'il y a très peu de laboratoires qui travaillent sur cette question, mais bon, ça existe. Alors par exemple, pour étudier l'insight, c'est-à-dire ce moment d'illumination où l'idée surgit à la conscience. Le fameux. Ou Eureka, c'est-à-dire que l'insight peut se définir comme la soudaine, alors ce caractère de soudaineté est important, un soudain changement de représentation mentale, une soudaine réinterprétation de ce qu'on voit ou de ce qu'on comprend ou d'une situation. Et en En neurosciences, dans les tâches qu'on utilise, on demande aux gens de résoudre des problèmes, par exemple. Typiquement, ce sont les tâches qu'on a identifiées comme suscitant ce insight. Donc, on a des problèmes bien particuliers. Et l'insight est étudié comme quand les gens rapportent subjectivement qu'ils ont réussi à résoudre ce problème et que la solution leur est parvenue de façon soudaine, sans effort, sans qu'ils soient capables de décrire les étapes ayant conduit à cette solution. Comme si elle était surgie nulle part. Et comme cela a été évoqué tout à l'heure, ce phénomène subjectif, il est souvent accompagné de plaisir et de confiance en sa réponse. Ce n'est pas un critère diagnostique, si je puis dire, mais c'est souvent associé. Et donc, on a des tâches, et en l'occurrence, la tâche qu'on appelle la tâche des associations lointaines, dont on sait qu'elle suscite assez souvent ce phénomène d'insight. Qui consiste en quoi ? Alors, on propose tout simplement aux participants trois mots qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et leur tâche consiste à trouver un quatrième mot qui relie ces trois mots, qui soit lié d'une façon ou d'une autre à chacun de ces trois mots. Donc, par exemple, je vais vous donner deux exemples, un exemple facile, un exemple difficile. Donc, quel est le mot commun? Quel mot peut relier les mots suivants? Elle, libre et champ. Donc, la solution, elle vient à l'esprit de la plupart des personnes. La solution à trouver le mot oiseau. Ouais. Voilà. Et donc, la solution est facile à trouver parce qu'elle est assez proche. Elle n'est pas très éloignée de chacun des mots qu'on a proposés. Un exemple plus difficile. Aspect, courant, libre. Là, on sent que la solution, elle ne vient pas immédiatement à l'esprit, et tout simplement parce que la solution à trouver, elle est sémantiquement, par association, assez éloignée des trois indices, des trois mots qu'on donne. Il faut trouver le mot air, A-I-R. Aspect, oui, avoir l'air, courant d'air et libre comme l'air. D'accord. Voilà. Et donc, on demande aux gens, puisque en neurosciences, l'aspect rapport subjectif est confondu, enfin, le rapport subjectif des individus est utilisé pour diagnostiquer un eureka ou un insight, pour dire si l'essai a été résolu par insight ou pas. Et donc, on peut comparer en imagerie les essais dans lesquels le problème a été résolu avec insight et les essais dans lesquels il n'a pas été résolu avec insight. J'aimerais, on arrive dans les dernières minutes de cette émission, j'aimerais tout de même poser une question d'un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le lien qu'il peut y avoir entre, alors là aussi je vais mettre beaucoup de guillemets, l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence mesurable par le QI, et créativité. Est-ce que des gens qui ont un QI très important, donc une faculté de répondre à un certain test, en tout cas de quantifier une intelligence via le test de QI, ont un lien évident, une corrélation avec justement une capacité créatrice? Justine Barbier. Oui, alors je pense que il faut être fidèle à cette belle phrase de Bergson qui dit que l'esprit est une réalité capable de tirer d'elle-même plus que ce qu'elle ne contient. C'est-à-dire que les tests de QI diront peut-être certaines choses à très gros traits, mais l'idée c'est que finalement il y a toujours un trésor qui ne demande qu'à fructifier, et d'une certaine manière on peut se dire que le cerveau est aussi quelque chose comme un muscle. C'est-à-dire on voit bien toutes ces études qui parlent de plasticité cérébrale, qui nous montrent que les chauffeurs de taxi londoniens qui connaissent des milliers de rues pour leur examen ont en effet la zone qui gère l'espace beaucoup plus développée. Voilà. Et je voulais juste rebondir un tout petit mot rapidement, très rapidement, sur l'idée de réca collectif. C'est-à-dire la science tout comme la littérature, c'est Kerouac qui dit ça, et je trouve que c'est une magnifique définition, c'est sa définition préférée, il dit la littérature c'est une histoire d'amitié. Et on voit bien que les eureka collectifs, par exemple, Snell et Descartes ont eu la même intuition en même temps, ce qui a donné la loi de la réfraction de la lumière. Le mouvement brownien a d'abord été découvert par Robert Brown, des grains de pollen dans de l'eau, des mouvements incessants et désordonnés. Ensuite, Einstein va découvrir les équations de diffusion de corpuscules dans un fluide. Et enfin, Jean Perrin, qui est un très habile expérimentateur, va en faire la première expérience démonstrative. Donc cette idée de l'amitié scientifique et littéraire me semble important. Il y avait plein de choses encore à raconter sur cette intelligence collective, des études, une publication dans Science qui montre que les équipes de recherche plus petites ont tendance à produire des idées plus nouvelles que des équipes plus grandes. Merci, et c'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'être venues nous parler de ce processus créatif et de ces idées novatrices en science. Merci Emmanuel Vol, merci Justine beaucoup. Barbier, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Aguet-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Laurent Laurence Malonda à la réalisation et Élise Lé aujourd'hui à la technique. Demain, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Nous parlerons notamment des origines de la rougeole, du traitement de la douleur dans l'histoire de la médecine, de l'histoire dispersée de l'apparition du genre Homo sapiens en Afrique, sans oublier un soupçon d'antimatière. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.